n'y a pas eu de cri, on a même le sourire. On croyait que c'était facile, on a mis nos cœurs en péril. Est-ce que tu te sens bien? Dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Moi, n'ai du mal à s'y porter. Si porter, tiens-moi, oui, embrasser, l'orgueil que nous t'inigue à détruire tout ça, nous construit. Moi, n'est-il mal à si porter.